les tunnels, près des chutes. Maintenant, Booz ! Maintenant ! Yo-ho ! Booz a donné un violent coup de pioche sur la barre de métal accrochée à l'entrée du tunnel, juste en passant, avec une précision digne du meilleur creuseur. Le chariot est entré dans la galerie des chutes, et derrière nous... Tout s'est effondré dans un nuage de poussière sous les grognements des rats. Ils ne pouvaient plus nous suivre par ce passage désormais. J'ai tiré un coup sec sur le frein, et le chariot a freiné pour s'arrêter au milieu du pont qui surplombait la rivière des chutes. Tout était si calme ici, si reposant. On a réussi ? Pas totalement. Faut aller au grand trou maintenant. Il y a un truc qu'il faut que je vérifie. Le chariot, il avait souffert durant toute cette course-poursuite. Je suis descendu sur les rails pour vérifier l'état des roues, laissant Booz et Mila souffler un peu dans le chariot. J'ai mal au ventre. Hein ? C'est vrai, hein ? Ça fait mal au ventre, tout ça. En tout cas, bravo, Booz, pour... Bravo. Oui, bravo pour tout ça, les gars. Nous avons tous tourné la tête vers la sortie des chutes. Une ombre avançait parmi l'obscurité et se dessina plus précisément à la lueur des torches. Une ombre... Bravo ! Un killer de creuseur de merde ! Mila, votre père vous attend, votre père vous demande, votre père s'impatiente. Et moi aussi. Rosencraft. Les chutes. Une grande galerie creusée par une rivière dont le lit se nourrissait à une grande chute d'eau quelques mètres plus loin. Nous étions sur le pont surplombant la rivière. Un pont de rails. Et une seule sortie devant laquelle se tenait Rosencraft. Comment avait-il fait pour nous trouver ? J'ai eu du mal à comprendre, à trouver ce que vous vouliez faire, mais... Pris d'une violente douleur, Rosencraft s'est courbé en deux. Son teint devenait plus pâle, son visage grimaçant. Il s'est relevé subitement, comme si rien ne s'était passé. Mais vous n'y arriverez pas. Les rats ratissent. Ils sont trop forts pour vous. Écartez-vous des rails, Rosencraft. Parce que lorsqu'on va partir, on risque de vous écraser. Et ça serait pas un mal, d'ailleurs. Rosencraft s'est avancé sur le pont. M'écraser ? Oh, Mila. Moi qui pensais que vous m'aimiez un peu. Vous serez bien obligé, pourtant. J'ai jeté un bref coup d'œil sur les roues. Elles devraient tenir bon encore quelque temps. Je me suis relevé. Votre père va nous marier et nous ferons plein de petits bains fouiches. Une portée. Oh oui, ça va être bien. Il est taré ! Encore plus qu'avant ! Vous rêvez un peu trop fort, Rosencraft. Ça n'arrivera jamais. Si, ça arrivera ! Rosencraft avançait toujours. J'ai posé un pied sur le marchepied, prêt à remonter dans le chariot. Espèce de petite connasse ! Tu seras à moi, rien qu'à moi ! Et oubliez Squeak ! Quoi ? Elle pensait à moi ? Elle m'aimait... un peu ? Fini ! Lessivez ! Crèveur de merde ! Non ! Rosencraft s'est jeté sur moi. Aïe ! Nous sommes tombés du pont. Squeak ! Hé, hey, vieux ! Booz ! Booz ! On a un autre problème ! Quoi ? Oh là là ! Ils étaient pas là, ces trois rats à l'entrée ! Non, mais maintenant ils sont là, et on n'a plus aucun moyen de sortir ! Sous l'eau, Rosencraft me tenait fermement, son visage grimaçant, et il essayait de parler. Je n'avais plus beaucoup d'air. Mes poumons, ils me brûlaient. Il fallait que je remonte à la surface. Ma mâchoire m'a lancé sous le poing de Rosencraft. J'ai donné un coup à mon tour. Nos bras, nos jambes bougeaient nerveusement pour remonter à la surface. Je n'allais plus tenir très longtemps. J'ai du mal à respirer. Rosencraft, son visage grimaçant trop près. Le bleu. Bon, le filet de lumière. Là. Mes mains ont lâché le cou de Rosencraft. Les siennes s'accrochaient encore au mien.